Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Petite recherche sur le net. Donc, les taxis bruxellois et les taxis Uber, c'est pas la même chose. Et en Belgique, le taxi Uber est interdit. Ça n'empêche pas les taxis Uber de fonctionner, évidemment. La loi, en gros, Uber considère qu'elle n'est plus en phase avec la réalité de terrain et qu'elle doit de toute manière être adaptée. C'est ça l'ultra-libéralisme, on se débrouille comme on peut dans ce monde. Mais Uber, j'ai découvert, vous allez entendre la suite. Le taxi est un métier d'avenir qui peut créer des emplois. Voiture géolocalisée, chauffeur sans agrément, prix de la course préfixé au kilomètre. Avec Uber Pop, tous les particuliers deviennent des concurrents potentiels qui, eux, s'en défendent, parlant plutôt de covoiturage. Taxi ? En Espagne et aux Pays-Bas, le service a été récemment interdit par décision de justice. L'Espagne, l'Allemagne, même en Inde, ils ont interdit Uber Pop. Et nous, il faut qu'on prenne les gens en otage, il faut qu'on monte notre colère pour que la justice et le gouvernement fassent son travail. Taxi ? Nous ne cédons à aucune corporation. Une loi a été votée. Elle prévoit de la régulation, elle prévoit des règles pour l'ensemble de cette profession. En France, en attendant la procédure pénale qui s'annonce très longue, Uber Pop pourra poursuivre ses activités. C'est pas une activité de taxi, d'une part parce que les chauffeurs sont pas des professionnels, ils conduisent leur propre voiture et sont des gens qui font ça dans une logique d'amortissement des frais que peuvent engendrer leurs véhicules mois après mois. Et maintenant, chers auditeurs, une petite devinette. J'ai engrangé au moins $1 milliard de chiffre d'affaires cette année. Ma valeur est estimée à $40 milliards, soit plus que l'ensemble des compagnies aériennes américaines. Je suis la deuxième entreprise non cotée en bourse la plus riche au monde, juste derrière Facebook. Alors, qui suis-je? Vous pensez immédiatement à Google, Apple ou Amazon. Et non, il s'agit en fait de Uber. Uber, c'est une application qui vous permet de réserver soit une voiture de luxe avec UberX, ou un chauffeur amateur clandestin à bord de sa propre voiture. Cette Uber Pop et cette multinationale a été créée par Travis Kalanick, un ultra-libéral hyper décomplexé qui croit en la destruction créatrice. C'est-à-dire, tu dois détruire des emplois, les taxis pourront créer de nouveaux, plus précaires, c'est Uber et c'est la loi du marché. Alors quand même, le service de chauffeur clandestin Uber Pop a été interdit dans plusieurs pays, mais en France, il fonctionne toujours. On dit que quand tout roule, on ne le remarque même pas. Bienvenue chez HSBC Premier. Votre personnelle économie est entre de bonnes mains. HSBC, les rois de l'évasion fiscale. Plus de 100 000 clients par le biais de 20 000 sociétés offshore entre novembre 2006 et mars 2007. Des dignitaires étrangers. Le roi du Maroc, le roi Abdallah de Jordanie. Du showbiz. Des princes saoudiens soupçonnés d'avoir financé Al-Qaïda. L'argent sale du terrorisme et du trafic de drogue. HSBC, au cœur de l'enquête, aurait encouragé tout cela. 180 milliards d'euros dissimulés dans des paradis fiscaux. C'est plus de la moitié de la dette grecque. HSBC, the world's local bank. Eh bien, je le dis sans haine et sans plaisir, mais Monsieur Ziegler, vous êtes un imposteur. C'est notre pays que vous mettez en cause. Et vous allez à l'étranger répandre ce crachat dans la fondue. Jean Ziegler, la Suisse, selon vous, blanchirait en toute connaissance de cause l'argent de la drogue. Les banquiers suisses seraient les complices des marchands de la mort. Vous êtes en colère. Et vous faites mal à votre pays, comme si vous aviez vous-même mal à la Suisse. Jean Ziegler, figure anticapitaliste et anti-banque, un des Suisses les plus connus du monde. La Suisse est en train de subir un pourrissement croissant de toutes ses institutions par la faute et la loi des émirs de la banque et de la finance, complices du crime organisé. Alors Jean Ziegler exagérerait-il? Jean Ziegler, cette affaire SwissLeaks, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est que pour une fois, on a les preuves. On a une photographie à un instant T, pendant quelques mois, des mouvements sur une banque. Et mais vous, ce combat, vous le menez depuis l'intérieur même de la Suisse. depuis des années. Je vous rappelle, en 76, une Suisse au-dessus de tout soupçon. 90, la Suisse lave plus blanc, c'est le titre de vos livres. La Suisse, l'or et les morts en 97. Et ce que vous rappelez dans ce livre, Retournez les fusils, c'est que vous, vous avez été la cible de ces banquiers qui vous ont attaqué, qui vous ont harcelé judiciairement et vous le dites même, qui vous ont ruiné à force de procès perdus. Oui, ben, vous êtes gentil de m'attribuer autant de vertus. Je les mérite en tout cas, de la pugnacité. D'abord, je dois dire que j'étais totalement inefficace. Quand la Suisse lave plus blanc est sortie, qui anticipait déjà un certain nombre de ces stratégies criminelles qui sont au cœur même de l'activité bancaire helvétique, j'ai eu 9 procès sur le dos. Mon immunité parlementaire a été levée au Parlement de Berne. Ce qui n'est pas rien, quand même. Fédérale. Ce qui n'est pas rien, ça montre qu'ils étaient inquiets. Ils ont le bras long. Et j'ai perdu les 9 procès. Et j'ai dû payer plusieurs millions de francs suisses de dommages et intérêts. J'étais évidemment totalement, absolument, complètement ruiné. Et donc j'étais inefficace puisque la façade sanglante des banques suisses était totalement solide. Ils déniaient, ils disaient quoi, donc fraude fiscale, ça n'existe pas. L'argent du sang des pays du tiers monde, on n'en a jamais entendu parler. L'argent des mafias, on ne sait pas ce que c'est. Un déni total. Bref, j'étais étalé, ruiné. Mais j'ai continué le combat. Et aujourd'hui, miraculeusement, par le courage d'un informaticien, tout à coup, pour une des 365 banques qui agissent sur le territoire helvétique, une des principales, devient transparent totalement le mécanisme du pillage du fisc français, le mécanisme du pillage des réserves de devises des pays les plus pauvres. Et c'est là où l'opinion publique européenne, et je parle des pays qui sont des vraies démocraties vivantes comme la France, doit se lever pour mettre fin au banditisme bancaire helvétique. La banque HSBC est en train de se faire une superbe image. Je pourrais même dire qu'elle manque pas d'air. La banque a décidé de sanctionner les journaux qui sont à l'origine de SwissLeaks. Elle a décidé de retirer les budgets publicitaires, tout simplement. Oui, c'est ce qu'a annoncé le directeur Stuart Gulliver, qui l'a reconnu lors d'une conférence de presse hier. Sa banque n'achète plus de pubs dans les journaux qui se montrent hostiles à son égard. Il trouve ça logique. Ça vise notamment Le Guardian, Le Soir ou Le Monde. Cela dit, HSBC a globalement suspendu pour l'instant toutes ses campagnes, vu le contexte tourmenté. Mais l'histoire donne lieu à beaucoup de discussions sur la toile à propos de l'arme de la publicité, ce moyen de pression sur les médias. Certains estiment que pour garantir l'indépendance de la presse, la pub, ça reste quand même la moins mauvaise solution de financement. La semaine dernière, un éditorialiste du Daily Telegraph avait provoqué une grande polémique en annonçant qu'il démissionnait de son journal, en reprochant à la direction du Daily Telegraph d'avoir imposé une couverture minimale de l'affaire HSBC pour ne pas s'attirer les foudres de cet annonceur. Le chantage à la pub, c'est un sujet qui revient de façon récurrente. La presse rappelle par exemple le cas du groupe LVMH, incontournable dans le secteur de la mode, du luxe, c'est toutes les pubs pour les parfums notamment, qui avait retiré ses budgets publicitaires du journal Libération après une une qui visait son patron, une une intitulée « Casse-toi riche con », allusion à l'exode fiscal en Belgique de Bernard Arnault. Et ces derniers jours, c'est en Algérie qu'une affaire fait grand bruit sur la toile, puisque le patron d'un des grands opérateurs télécom qui est d'origine qatari a carrément menacé de priver de pub les médias qui critiquerait l'Algérie ou qui critiquerait le Qatar. C'est une société d'intérim bien connue. Adecco vient à nouveau d'être condamnée en appel pour discrimination à l'embauche. L'affaire remonte à plus de 10 ans. Belges et étrangers se retrouvaient dans des listings séparés. Les premiers avaient droit à la mention BBB, blanc, bleu, belge. Jean-François Noulet. La société d'intérim Adecco avait déjà été condamnée en première instance en 2011 pour des faits dénoncés 10 ans plus tôt. À la demande de ses clients, Adecco sélectionnait les travailleurs selon leurs origines. La Cour d'appel a constaté qu'au sein d'Adecco, il utilisait un code BBB, blanc, bleu, beige, et ce code était destiné à faire une sélection. Donc si une entreprise demandait un travailleur belge, Adecco l'envoyait. Et pour la Cour d'appel, c'est du racisme. Puis je lis un petit bout du Monde diplomatique, Jérôme Pélissier. Ce n'est pas un hasard si les trois discours dominants sur les personnes âgées sont d'ordre démographique, médical et économique. Faute de penser la vieillesse, on se focalise sur le nombre, sur les corps et sur le cou. La difficulté même à trouver le terme adéquat témoigne du malaise vieux par opposition à jeune, étant presque perçu comme une insulte. Le mot est devenu quasiment tabou. Au gré des modes, on parle donc de personnes âgées, de seniors, d'aînés ou d'anciens. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Martin Heidegger. Les résidents de l'EHPAD Les Bruyères vous présentent leur émission de radio. Vous écoutez La Voix des Aînés sur Radio Campus. Ça va bien ? Vous faites le café ? Je fais le café, l'animation, je fais un stage, je fais un peu de tout, oui. Pause café alors. Voilà, pause café, ça marche. Vous en voulez ? Non merci, moi j'aime pas le café, j'en bois jamais. Ça va monsieur ? Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Ce qui pourrait être chouette, c'est que chacun donne son prénom. Comment vous vous appelez ? Lucienne. Lucienne. Enchantée, Lucienne. Vous. Michel aussi. Vous voulez du café ? Michel. Oui. Je réponds. Vous voulez du café ? Je lui réponds. Cécile. Demandez si elle veut du café. Odette. Olga. Olga. Françoise. Odette. Jean-Claude. Roland. Et vous, vous appelez comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Votre prénom ? André. Et vous ? Florence. Florence. Madeleine. Bon ben enchanté tout le monde, hein. Alors moi je sais pas trop où je suis ici, comment ça se passe, où on est ici en fait. Qu'est-ce que vous faites là en fait en gros ? Dans une maison de retraite. C'est ça, une maison de retraite. Une maison de retraite, ça veut dire une maison... Attendez, parce que sinon, on n'entend pas. Une maison de retraite, c'est un EHPAD, c'est pas pareil. Expliquez la différence. Ah, ben, un EHPAD, c'est tous des gens très malades. Tandis qu'une maison de retraite, pas, c'est des gens âgés, c'est tout. Vous êtes tous des gens malades, alors, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, des gens qui ont besoin de soins, des gens qui ont beaucoup de choses. Hein, toutes sortes de choses, hein, je ne sais pas tout nommer. C'est ça, l'EHPAD. Tandis qu'une maison de retraite, ben, comme à côté, ils n'ont rien, ces gens. Ils sont là et c'est tout, ils sont tous ensemble, c'est tout. Moi, j'ai un problème que je ne peux plus retourner chez moi parce que j'ai besoin de soins et je suis hémiplégique. Bah donc, vous avez un problème de santé. Voilà. Non, de santé, je suis paralysée du côté gauche. Oui, mais ça s'appelle un problème de santé, ça. Ah, bon, bah, si vous voulez. Oui, ce qui vous relie tous, c'est que vous avez un problème de santé. C'est ça que vous disiez. Vous êtes contente ? Vous êtes content d'être là ? On parle sérieusement. Vous pouvez râler, vous pouvez dire... vous dites ? On est bien obligé d'être ici. Si on n'est pas ici, on sera ailleurs. On peut plus rester chez soi tout seul. C'est pas possible. Si on est ici. Hein ? C'est exact ce que je dis. On vient ici parce qu'on ne peut plus vivre seul. Alors il faut bien qu'on aille quelque part. Non, c'est pas vraiment gay comme situation d'être obligé d'être quelque part. Hein. Non, mais enfin, c'est la fin de la vie, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, moi, encore, j'avais plus 20 ans quand je suis arrivée ici, on allait beaucoup plus jeune. C'est ça le pire, le plus malheureux. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Moi, je suis arrivée, j'étais déjà très âgée. Il y en a qui arrivent ici, qui ne sont pas âgés, hein, pas tellement âgés. Vous avez quel âge, pour qu'on comprenne entre âgés ou pas âgés ? Eh ben, j'ai 93 ans. Ah ouais, ouais. Hein ? Alors, je suis ici il y a 2 ans. Hein ? Mais avant, c'était toujours un âge. J'avais préféré... ferais rester chez moi, mais enfin, c'est... je pouvais pas, c'est pas possible. Voilà. Puis, c'est vrai, ça doit être compliqué, tout ça. Hein. Moi, je ne connais pas. Hein. De vieillir, c'est pas évident de vieillir, non ? Ça dépend. Ça dépend de vieillir. Ça dépend comment on vieillit, comment on a déjà vécu avant et qu'on continue après. Et qu'on continue après. C'est-à-dire après. Le après, je viens de vous le dire, il faut que je vous le mette là en... Vous n'êtes pas sympa, vous, hein. Mais si, enfin, ça fait 3 fois que je vous le dis. 3 fois, carrément. 3 fois, vous ne m'écoutez pas, vous allez à côté. Bon. Un peu vexée, la dame. Un peu vexée. Non, je ne suis pas vexée. Si, hein. Vexée, moi. Non. Non, pas du tout. Tant mieux. Vous dites ? Vous dites ? De quoi ? De quoi ? De 4. Hein ? Bon, continuons la conversation. Donc, je disais que c'était pas facile de vieillir. C'est pas facile. Attendez, on n'entend pas. Dites-moi. Il y en a qui vieillissent bien, il y en a d'autres qui vieillissent moins bien, et il y en a d'autres qui vieillissent entre les deux. Et c'est quoi vieillir bien ou pas ? Quand on a tous ses membres, qu'on peut marcher. Bah, si comme moi, je ne peux plus marcher du tout. Moi, je suis condamnée au fauteuil. Ça, je sais, ça. Alors, c'est vieillir comment, d'après vous ? Heureusement que j'ai toute ma tête. Autrement. Alors, ces deux vieux qui ont tous les deux la maladie de... Oh. Ah, la maladie où on perd la mémoire. Bah, Alzheimer, c'est pas compliqué. Oui, c'est ça, la maladie d'Alzheimer. C'est pas facile à retenir quand même. Pas se rappeler d'Alzheimer, c'est drôle. Bon, bref, les deux vieux sont dans le même centre de soins spécialisés. Oui, ils se connaissent depuis longtemps, ce sont des amis d'enfance. Un jour, l'institution les emmène faire une promenade dans un parc pour les sortir un peu. Ça arrive de temps en temps, pour changer les habitudes. Il y a une dizaine de pensionnaires avec eux. Ils sont encadrés par 2-3 animateurs, pas commode. Arrivés dans le parc, les animateurs proposent aux vieux de s'asseoir sur des bancs pour prendre le soleil. Soudain, il y a un des deux vieux qui voit au loin une marchande de glace. Il dit à son copain, « Ça te dirait que je te paye une glace ?» Il a un peu d'argent sur lui, c'est sa famille qui lui donne quand ils viennent le voir. Le copain dit, « Oui, bonne idée, une glace à la vanille. Mais surtout, tu demandes qu'il y ait de la chantilly. » Le vieux dit, « Ok, et il se lève pour aller acheter les glaces. » Le copain insiste, « Surtout, oublie pas la chantilly, je suis sûr que tu vas oublier. » « Mais non, » qui dit le vieux, « T'inquiète pas, j'oublierai pas. » Son copain ne lâche pas, tu dis toujours ça et tu oublies. « Je veux une glace vanille avec de la chantilly. » Un peu chiant, copain. Le vieux répond qu'il faut pas qu'il s'inquiète et il y va. Son copain attend, au bout de 10 minutes, il est toujours pas revenu. Là, il commence à s'inquiéter. Bref, il flippe. Jusqu'à ce qu'il voit son vieux pote revenir, enfin. Il tient 2 hot dogs, 1 en chaque main. Il en garde un pour lui, il donne l'autre à son copain. Le vieux copain prend le hot dog, il l'ouvre et tout de suite il râle. J'en étais sûr, t'as encore oublié la moutarde. Tout le monde est malade, tout le monde a quelque chose. C'est pas la fête, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On a quelque chose. Si on vient ici, c'est parce qu'on ne peut plus vivre seul. Mais il faut savoir s'y faire. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas aller ailleurs et on ne peut pas rien faire. Donc, il faut s'y faire de rester ici. Il faut le prendre. Assez le prendre de le bon côté autant qu'on peut. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? De ces discussions ? C'est une résidence. On est ici parce que moi, j'ai pris des reins, par exemple. Je sais plus rien faire. Alors ici, on fait tout pour moi. On fait ma lessive, on fait ma cuisine, on fait mon ménage. Ça fait qu'on est ici par obligation parce que si j'étais capable de rester chez moi, je resterais moi. Tiens, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Comme travail, par exemple, ou comme... Après, J'ai été, comment je vais dire, ça c'est difficile. J'ai fait du prêt-à-porter, enfin bref, comme ça, c'était déjà pas mal. Vous créez des habits, des vêtements ou... Je les cousais, je les créais pas. J'avais le tissu, tout était haut comme ça. Et moi, je les cousais. Hein. Il n'y avait rien à faire. Il fallait quelqu'un. Je les faisais. Comment s'appelait le nom de cet endroit où vous travaillez ? Je ne m'en rappelle plus. Hein. Ça fait des années que je ne le fais plus, alors je ne peux pas vous dire. Hein. Je ne sais même pas si ça existe encore, celle-là. Non ? Puis je l'ai fait, puis voilà. Est-ce que vous lisez ? Est-ce que ça vous arrive de lire ? Tous les jours, je lis, et puis bon, comme ça, je ne m'ennuie pas. Vous lisez quoi, par exemple ? N'importe quel... aussi bien du... Enfin, pas tellement d'amour, non, plutôt des histoires vécues. Pas des histoires d'amour ? Non. Vous n'aimez pas les histoires d'amour ? Pas trop. Pourquoi ? Vous savez, c'est plus une menace, comme elle dit, Non, mais je ne m'ennuie pas, c'est le principal. Vous ne lisez pas des histoires d'amour parce que c'est plus de votre âge, c'est ça que vous dites ? J'ai 81 ans, hein, je fais ce que je peux. Oui, mais l'amour, c'est pas uniquement entre un homme et une femme, l'amour c'est aussi... Non, mais l'amour, il est universel. C'est pas forcément l'amour amoureux, quoi. L'amour, c'est ici, les unes avec les autres, par exemple, les uns avec les autres. L'amour, il n'est pas que... Sympathiser, ensemble, quand on peut. Mais on n'est pas souvent ensemble, seulement pour les repas et tout ça. Alors, moi, dans ma chambre, je lis beaucoup, comme ça. La journée passe. Vous seriez d'accord de lire ces deux phrases ? Vous lisez deux phrases tout haut pour tout le monde et chacun donne son avis sur ces phrases. Vous êtes d'accord ? Ils prétendent vouloir la vérité et si vous commencez à leur dire avec douceur et bienveillance, ils vous tuent. Madame Rapolga. Qu'est-ce que ça raconte ? Vous pouvez le relire une deuxième fois, comme ça tout le monde l'entend ? Ils prétendent vouloir la vérité. Et si vous commencez à leur dire, avec douceur et bienveillance, ils vous tuent. Alors, ça raconte quoi ? Ça vous raconte quoi, cette phrase ? Autrement dit ? On n'a pas intérêt à donner toujours la vérité. C'est tout. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, moi aussi. Je vois à peu près pareil. Hein. C'est pas la peine de toujours donner la vérité. Notre vérité, il y a des fois, elle est à moi, elle est à nous. On n'a pas à le dire à d'autres. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Et vous parce qu'on essaye de comprendre la phrase. Après, vous pouvez donner votre avis aussi. Hein. Mais comprendre la phrase, elle dit quoi exactement, cette phrase ? Elle dit qu'il faut dire la vérité avec douceur et bienveillance ou autrement. Par gentillesse. Voilà. Oui, dire doucement. Moi, c'est ce que je comprends. Ouais. Et puis, madame également. Oui, il dit en gros cette phrase. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est important de dire la vérité avec douceur et bienveillance. Et que des fois, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre cette vérité, même en étant doux et bienveillant. Alors, dans vos vies à vous, qu'est-ce que ça raconte aussi, ça ? Est-ce que la vérité, vous êtes plus âgé, vous êtes plus grand que moi, ben voilà, vous avez de l'expérience, de la mémoire, et j'aurais aimé entendre, comment vous vous positionnez dans votre vie par rapport à cette phrase de dire, la vérité, est-ce que j'ai toujours dit la vérité ? Est-ce qu'il vaut mieux la cacher, la vérité ? Comment ? Vous l'évitez aussi, hein ? Vous évitez la vérité ? Un peu, hein, quand même. Il y a quand même des vérités qui sont méchantes. Hein. Et quoi, ce serait quoi une vérité dite avec méchanceté ? Ça serait mauvais, hein, parce que d'un côté comme de l'autre. Hein. Oui, mais on n'est pas obligé d'être méchant parce qu'on dit la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut dire la vérité tout en étant bienveillant Et d'où ? Je sais pas. Ah, mais je vous le dis, c'est possible. On n'est pas obligé de dire la vérité, d'être méchant. Ça marche pas. C'est du vieux, hein. La vérité, c'est du vieux. Ah oui, hein. Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est plus à 20 ans qu'on va leur raconter la vérité, hein. C'est plus à 20 ans qu'on va raconter la vérité. Faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Ben moi, je trouve que c'est important de d'entendre la vérité. Ça dépend quelle vérité, hein. Parce qu'il y a des vérités qui font mal, hein. Comme quoi, par exemple? Il y a des divisions, de séparation, hein. Exemple? Oh, pas pour moi, parce que je n'ai jamais eu de séparation. Mais j'ai toujours dit la vérité. Mais pas des vérités mauvaises, hein. Il y a toujours, je sais pas, moi, aujourd'hui, on est au cinéma, il fallait peut-être pas le dire. Vous quoi, vous dites? Cinéma. Il ne faut pas le dire. Il ne fallait pas le dire parce qu'un tel n'est pas content. Enfin, ça c'est... Hein. Bien sûr. Nous, on n'est plus pareil que les jeunes. Hein. Ben, non, vous n'êtes pas pareil. Mais en même temps, on est des humains. On est des humains. Les jeunes deviendront vieux à un moment donné. Et les vieux ont été jeunes. Donc on peut se comprendre. Comprendre, hein. Voilà. C'est pas toujours quoi? On peut pas toujours avec une autre personne dire la personne elle va dire non, moi c'est pas comme ça, ou non, je sais non. Alors quand c'est comme ça, ben on se tait. Mais oui, mais je comprends pas bien. J'ai pas bien compris toute votre phrase en fait, parce qu'à la base on parle de vérité, puis on parle de jeunes et de vieux, de vieux, de jeunes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la vérité, la phrase qu'a... On ne peut pas toujours la dire, vraiment. Pourquoi? Parce que quand on a des parents malades, fort malades, on ne peut pas dire carrément la vérité. Mais pourquoi? Ça, je ne sais pas. Hein, la famille, elle a quelquefois du chagrin de voir sa maman comme ça, ou les parents. On dit un petit peu à la fois. Hein? Alors, la femme de l'ogre est plus terrible que l'ogre. Ça vous raconte quoi, ça, monsieur? Rien du tout, je comprends. J'ai pas tellement compris. Mais c'est sûr qu'on rencontre pas des ogres à chaque coin de rue, mais faut faire parler votre imagination. La femme de l'ogre est plus terrible que l'ogre. Ben, on n'a pas envie de rencontrer la femme de l'ogre, hein, du coup, puisqu'elle est plus terrible que l'ogre encore. On dit toujours que les femmes, elles sont beaucoup mauvaises que les hommes. Ah bon? Qui dit ça? Des gens. Je ne peux pas dire qui, mais j'ai déjà souvent entendu dire que les femmes, elles étaient beaucoup plus méchantes que les hommes. Je ne peux pas vous le dire, moi. On me l'a dit. Et on me l'a répété, et on me l'a répété. Je vous dis ce qu'on m'a répété, hein. Mais c'est tout. Ah bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Les femmes sont plus... Les femmes sont plus méchantes que les hommes. Elles sont plus autoritaires. Elle. Toujours un elle, mais un métier. Ah, bon, oui. Livreur. Oui, ça on l'a dit. Louage. Comment? Louage. Louage. C'est quoi comme métier ça, madame Lecomte? C'est quoi comme métier? Louange, qui vantait quelqu'un à faire ses louanges. Ah ouais, d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Métier. Lisbonne. Lisbonne, mais ça c'est une ville, mais on est toujours dans les L, c'est bien. Lourdes. Lourdes. Wow. Lisieux. Lisieux. Jacques. Comment? Lusenac. Lusenac. Luxembourg. Luxembourg. Libreville. Libreville. Lens. Oui, Lens, c'est très bien ça. Lanville. Comment? Lanville. Ouais. Lentille. Comment? Lentille. Lentille. Ouais, ça c'est un légume. commence par un L. L'aide. Comment? L'aide. Ouais. L'aide. Un légume qui commence par L. L'avoir. C'est pas tout à fait un légume. Ouais, on avait dit les lentilles. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment? Laitue. Laitue, oui. Après, il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres... J'aimais bien avant. Vous? J'aimais bien avant lire. Ah bah oui. Maintenant je peux plus. Fini. Ouais, c'est pas gay ça. C'est pas gay, non. Et vous êtes là pourquoi vous ici? Comment? Vous êtes là pourquoi vous ici? Je suis tombé, je me suis fracturé col du fémur et je pouvais plus rester chez moi. Toute seule, déjà en perdant la vue, qu'est-ce que j'aurais fait chez moi? Hein? À tâtons. Puis tomber encore et... Alors mes enfants, ils ont dit, tu peux plus rester seul, il faut aller dans une maison de retraite. Voilà, je suis atterri ici. Et quoi, ça vous rend contente ou pas contente? Bon, moi, je suis toujours contente, mais il y a des choses que je peux plus faire. Je m'ennuie, je ne sais plus quoi faire de mes mains. Quand on peut rien faire, hein, sauf même pas sa toilette. C'est dur, hein? Ouais, vraiment, oui. C'est, quelle vie, quoi. Vous avez quel âge? 91. Oh, balèze, quand même. Hein. Comment? C'est énorme, quand même. Hein. Ah oui, 91. Vous avez 50 ans en plus que moi. 51 ans en plus que moi. Oui, c'est comme ça. Et vous vous sentez... Oui, ici, c'est un peu enfermé, quoi. Vous êtes un peu enfermé avec des horaires. Il y a du monde, alors ça me distrait un petit peu. Je vais pas rester dans la chambre, assise comme ça, au bord de mon lit. Je vais pas rester dans ma chambre, assise sur le bord de mon lit. Ah bah évidemment, évidemment. Je sens que c'est quelque chose. Une activité, mais je peux même pas dire de dessiner, de faire quelque chose comme ça. Quand on chante, ils nous donnent des partitions, monsieur. Moi, je vois rien. Quand on joue au loto, moi, je vois pas. C'est quelqu'un qui doit être à côté de moi pour me passer mes pions. Alors, je m'accepte comme ça. C'est dur comme vie, non? C'est dur, oui, oui, oui. Et quoi, vous attendez quoi de la vie, là, maintenant? Plus rien. J'attends que mes enfants ils soient en bonne santé. J'ai une fille qui était malade. Et ça me donne beaucoup de chagrin. Mais enfin. Que votre fille est malade? Oui, elle a un cancer. Mais j'accepte, et puis... Qu'est-ce que j'attends maintenant? Et les petits-enfants. C'est tout. Est-ce que vous êtes contente de votre vie que vous avez vécue, celle que vous avez vécue là? Je suis contente de ma vie. J'ai été bien mariée. Mon mari était très gentil. J'ai eu 3 enfants. Mes beaux enfants, ils ont fait tous les 3 des études. J'ai fait tout mon possible. Puis maintenant, il y a cet accident avec une fille. C'est dur, hein? J'ai pas compris ce que vous venez de dire. C'est dur, savoir que sa fille, elle va mourir avant vous. Alors, j'y pense souvent. Je suis pas toujours gay, hein? Ici, ça va. Il y a un peu d'animation, on parle de choses et d'autres. Mais quand je me retrouve dans ma chambre... Enfin, c'est comme ça. Je l'avoue, c'est comme ça. Bah, la vie, elle est pas toujours gay ou pas toujours pas gay, quoi. Non, c'est pas gay, moi. Enfin, mes enfants, ça va. Sauf ma fille est malade, mais... Mes enfants, ça va. Mes petits-enfants aussi. Je voudrais qu'ils soient heureux, je voudrais qu'ils aient tout, mais ils n'ont pas tout. Ça veut dire quoi, tout? Du bonheur, bien marié, bien... Tout ça. C'est ça qu'une maman souhaite pour ses enfants. Ah oui. Ils ne sont pas bien mariés, alors... Ils ne sont pas bien mariés? Non. Bah, ça arrive, hein. Oui, ça arrive, mais on ne peut pas toujours divorcer, c'est pas la peine, c'est des... Elles ont choisi comme ça, elles ont choisi comme ça. Hein. C'est pas moi qui leur ai dit. Ça doit rappeler le carnaval, quelque chose de gay, ça doit rappeler... Oui, enfin... Présenté, et puis voilà, hein, c'était comme ça. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils ont eu des enfants. C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie, ça? Non. De divorcer, c'est pas la vie? Non. C'est... Non, parce qu'on choisit son mari avant. Faut l'étudier, faut pas prendre n'importe qui. Oui, mais des fois, les gens... Vous savez, c'est une nouvelle génération, hein, on change. C'est ça, je sais. Oui. C'est pas grave en soi, c'est la vie. Quand même, on ne fait pas des enfants pour divorcer, puis après, ils sont malheureux. Moi, je n'aurais jamais divorcé. J'étais heureuse avec mon mari, hein. Mais jamais j'aurais fait ça. Oui, mais si vous n'étiez pas heureuse avec votre mari, peut-être... Oui, ça dépend, hein. Ça dépend, parce qu'il y a des hommes qui sont vraiment impossibles maintenant. Ils sont seulement la bêtise, mais pas se marier sérieusement, avoir des enfants, vivre une famille. Ça n'existe plus, ça. Non. Je trouve que ça n'existe plus. Oui, mais dans la vie, il n'y a pas que ça non plus. Hein. Il n'y a pas que la famille, il y a le travail qu'on aime bien. Il y a, vous voyez, et puis les enfants, ils ont de plus en plus l'habitude de vivre aussi avec des parents séparés. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur, vous m'entendez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais me voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite. Ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous est fuite. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres. Ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que juif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement on est plus étonné. Comme par amour, ils nous lassèrent. Un ami pleurer. On occupe notre temps. Comme moi, je lis beaucoup. Entre nous, on se parle un petit peu, on se raconte un peu notre vie, et puis et les journées passent. Enfin, on a quand même la visite de nos parents, de nos petits-enfants. Mais il faut se contenter ici. Mais moi, je suis bien. J'ai rien à dire de... Non. Voilà. C'est chouette que vous soyez bien. Tant mieux. C'est qui a parlé, là? Ah, j'ai pas vu. J'ai dit tout le monde est gentil ici. Ben, jusqu'à présent. Pas de problème. Je te dirais quelque chose. Il n'y a que cette dame-là qui nous enquiquine de temps en temps, mais tout va bien. Quoi? Non. Par moi. Non, c'est pas vous que j'en ai. C'est ça que j'ai demandé. Non. C'est pas vous que je partais, Françoise. Je ne vous connais pas assez pour parler de vous. Vieillir n'est pas une maladie. C'est la seule façon de ne pas mourir jeune. Ce n'est pas moi qui ai inventé la phrase, mais je la trouve bien. Mais ce n'est pas signé non plus qu'il a écrite, qu'il a trouvé, qu'il a inventé. Comment ? Vieillir n'est pas une maladie. C'est la seule façon de ne pas mourir jeune. Everything was